ils vont pas se servir du supramental de manière dérivée, mais se servir de l'instruction qu'ont laissé les gens versés dans le supramental, entre autres, ou de sujets qui ont été abordés, entre autres, à mes yeux. Puis une secte au sens de des groupuscules qui vont tirer un profit quelconque. D'une façon des fois qui pourrait être discutable. Je n'ose pas de mes affaires de commencer à. En tout cas, comme par exemple, quand quelqu'un qui est consultant dans le supramental commence à faire de la consultation, notamment là, des parents qui ont des enfants problèmes, puis leur amènent leurs enfants, puis tout là, je commence à trouver ça un petit peu dangereux. Un petit peu dangereux. Puis tôt ou tard, l'ordre des psychologues va s'en mêler. S'il y en a qui font de la psychologie évolutionnaire, là, entre guillemets, là, puis qu'ils commencent à empiéter sur d'autres terrains, puis qu'il y a un revenu qui est tiré de ça, puis.